Édition de juin 2015. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Au cours de mai, j'ai poursuivi mes activités habituelles pour Radio Saint-François. Ça s'est intensifié à la fin du mois, lors de la préparation de la programmation de juin. À titre d'auteur, j'ai terminé une première révision pour la deuxième aventure des enquêteurs, pour laquelle j'ai apporté des corrections sur l'ordinateur. J'ai aussi commencé une première révision d'un autre roman jeunesse écrit depuis des années, qui débute sur Alpa. L'émission de mai du podcast fut mise en ligne le 4 mai. J'ai aussi travaillé sur les résumés Perry Rodden. J'ai terminé de scripter la tranche des fascicules 160 à 169. La tranche précédente fut mise en ligne le 7 mai. Dès le lendemain, je continuai à travailler sur les résumés des fascicules 160 à 169, pour lesquels le montage est terminé le 13 mai. À partir du 19 mai, j'ai commencé à scripter la tranche suivante. Pour cela, il lui faut d'abord rallier la ville de Pache, où se trouve une station de transmetteur. Mais les forces de police, alertées par la disparition de l'équipage du Cotarc, gênent leur progression. Des barrages ont été disposés autour de Pache. Bien que Darfas tente de tuer Vonner, ils restent ensemble, le terrien ayant besoin de Lara. Efner Seten est aussi arrivé à Pache. Pour les contes du Pays Galou, j'ai réalisé Le cochon du père Chenette. Le cheval géant, pour sa part, fut mis en ligne le 28. La pluie était tombée les jours précédents, et dans le chemin creux qu'ils suivaient pour entrer au village, les chevaux avaient de l'eau jusqu'au poitrail. Tout à coup, au beau milieu de la mare, le cheval que montait Boursin lui fondit entre les jambes et le charretier tomba dans l'eau. Ce fut avec beaucoup de peine que le bonhomme s'arracha du bourbier. Qu'on juge de sa surprise et de sa frayeur, lorsqu'il vit un petit nain, j'ai effectué une dernière révision et j'ai envoyé à Carole et à Gabriel le script de l'épisode double 2021 du PC Show avec Paul Courtemèche le 7 mai. J'ai également consacré du temps aux relations des jésuites, dont la réalisation de la 18e partie. Quant à la 17e partie, qui conclut la relation de 1632, j'ai complètement oublié de la mettre en ligne au jour fixé. C'est la première fois qu'un tel oubli se produit. À moins que j'ai oublié les autres. Bref, j'ai réparé l'oubli le 26 mai. Il obéit, mais on le rendit en passant à son maître, qui ne s'en peut pas longtemps passer, autrement nous l'aurions retenu avec nous. Sa maîtresse lui demanda pourquoi il n'avait point rapporté sa couverture et répondit « Moi, point baptisé, point couverture. » Il disait « Viens, baptise-toi et moi, point baptisé. Moi, point baptisé, point retourné, point couverture. » Il voulait dire que nous lui avons promis le baptême et qu'il ne voulait point retourner qu'il ne l'eût reçu. La page 6 de l'édition du 29 septembre 1883 du Progrès de l'Est fut mise en ligne le 14 mai. Le même jour, j'enregistrais la page 8 qui fut montée le 17. Le lendemain, je transcrivais la page 1 de l'édition du 6 octobre. Mais si nous la surprenons quelquefois à fouler des tapis de Turquie et des velours de Damas, nous la voyons aussi de temps à autre tirer péniblement de l'aile, descendre et aller s'attabler au modeste hôtel de Joe Beef, déguster un tantinet et casser avec lui le biscuit de la confraternité afin d'apprendre et de recueillir de sa propre bouche des histoires merveilleuses qu'elle se hâte de raconter et qui font pâmer d'effroi ou d'admiration les naïfs et les badauds. En généalogie, J'ai ajouté mes données sur Damas Bonhomme, mon arrière-arrière-grand-père, sur le blog que j'ai créé pour ce faire et qui s'intitule « Les pères de mes pères ». À la mi-mois, j'ai eu l'honneur de recevoir une invitation de Greg Silverson pour participer à son prochain projet audio. Invitation que j'ai acceptée avec plaisir. Plus de détails prochainement. J'ai relevé les statistiques de téléchargement le 21. Merci à vous toutes et à vous tous, car « Nouvelles histoires extraordinaires de Pau » a franchi les 1000 téléchargements, alors que les résumés Perry Rodden ont dépassé les 5000 téléchargements. Au courrier, André Boris nous a écrit via courriel le 19 mai. Des nouvelles de la nouvelle Mazas? Le premier roman, À la recherche du Gouardium, est terminé. Relu par MC et actuellement en relecture chez Pierre Monneret. Le deuxième roman, Vengeance Morbienne, est commencé, prologue et 2 chapitres. Dimitri s'est proposé pour en faire les illustrations. Les 4 nouvelles de Mazas Pavel devraient paraître en BHS en novembre. Amitié et Becaziane, André. Place maintenant à Jean-Seb, qui nous parle à cœur ouvert. À toi, Jean-Seb. Ici Jean-Seb, et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique, disponible sur le net. Le printemps est très bien entamé, les feuilles sont sorties, les oiseaux sont arrivés un petit peu partout, et moi je vis un printemps mais très intense, très beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Je vis aussi un petit deuil où est-ce que au travail je dois ralentir mes écoutes parce que bon, pour des raisons de sécurité, on a une nouvelle zone qui s'est développée. Et bon, pour la sécurité de tous les employés qui travaillent dans le laboratoire, nous devons de cesser l'écoute de podcasts dans le laboratoire. Alors, ça m'enlève quand même plusieurs heures d'écoute. J'ai aussi, au cours du mois, mon logiciel Juice que je me sers pour maintenant télécharger mes podcasts. Bon, j'ai eu un petit bug. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Probablement quand j'ai fait mon ménage, là, j'ai dû corrompre quelque chose. Et puis, bon, ça, j'ai pas eu tellement de temps de m'en occuper. Vous savez, avec la fin de l'année scolaire des enfants. Les pratiques de rugby de la plus grande, les spectacles de musique de la plus petite, ça enlève quand même pas mal de temps dans une semaine aussi. Donc, je me suis retrouvé avec plusieurs jours de sans télécharger mes podcasts. Il a fallu que je taponne un petit peu pour trouver comment faire pour me déplanter quand j'essayais de réinstaller le logiciel. Il partait, puis il arrêtait tout de suite. J'avais tout simplement une boîte de messages qui disait « Il y a une erreur, va lire le log. » J'ai lu le log, j'ai rien compris, même si je suis geek. J'ai certaines limites dans ce que ces personnes-là qui font de la programmation sont capables de mettre comme message. Compréhensible, bien sûr. Mais une fois que je me suis penché sur le dossier de façon sérieuse, j'ai réglé le problème assez rapidement. C'était assez simple à faire, fallait juste savoir comment. J'ai aussi dernièrement fait un petit peu de ménage là dans tous les podcasts que je téléchargeais, donc j'ai fait étant donné que là j'avais un petit peu moins d'heures d'écoute disponibles, j'ai fait un bon ménage, mais là je suis en train de me réajuster dans cet univers. Si jamais il y en a qui ont déjà vécu ce genre de changement dans leur vie, je vous invite à m'en faire part. En plus, avec notre nouveau campeur, notre tente, c'est plus une tente roulotte, on a tellement de misère à s'habituer à ce terme-là. Bon, ben, ça a demandé un petit peu plus de préparation cette année, un petit peu apprendre plus comment ça fonctionne, donc j'ai quand même passé beaucoup de temps dans le VR. Justement, j'ai pris beaucoup de temps pour écouter des podcasts. J'en ai cherché en français sur les campings. J'en ai pas vraiment trouvé. J'ai trouvé beaucoup d'émissions, quelques-unes en tout cas, en anglais, dont All Things Overnight RV. Il y a aussi RV Family Travel Parking Atlas Podcast, hein, c'est des grands noms. Et il y a aussi un que j'ai beaucoup apprécié, qui est Road Trekking DRV. Donc, beaucoup d'écoute pour moi en anglais de ce côté-là. Je voulais apprendre qu'on pouvait faire avec le VR les choses à connaître, des petits trucs de camping qui s'adonnent un petit peu particulière avec un VR plus qu'avec un pop-up trailer. Dans ce qui m'a aussi beaucoup accaparé, il y a mon père qui a appris récemment qu'il souffrait de la maladie de Parkinson. Donc, ça fait plusieurs années probablement qu'il y a des symptômes. Mais récemment, le pronostic est tombé. Alors, bon, c'est quand même une période d'apprentissage de cette maladie. Il y avait Michael J. Fox qui faisait le retour vers le futur, qui souffre de cette maladie depuis un assez jeune âge. Et il y a justement une fondation à son nom. Et ils font un podcast, justement, c'est pas lui qui le fait, mais il chapeaute une fondation qui font un podcast appelé Michael G. Fox Foundation. Donc, j'ai passé quand même pas mal d'heures d'écoute à m'instruire sur cette maladie-là. J'ai fait beaucoup de lectures aussi. C'est pas moi qui en souffre, mais quand même, mon père est une personne assez proche. Et ce sont aussi des personnes assez âgées. Mon père est rendu à 70 ans. Ma mère est pas très à l'aise avec l'informatique, donc c'est un peu moi qui sers de canal de communication. Je leur donne des pistes de recherche, je leur ai trouvé des endroits où est-ce qu'ils peuvent aller chercher d'autres informations. Je leur transmets des informations que moi je trouve, donc c'est vraiment fantastique d'être dans l'univers du podcasting et de pouvoir utiliser ces outils-là. Il y a beaucoup de sujets qui sont comme ça, qu'on peut découvrir quand on écoute des podcasts. Ça nous donne comme certains moments supplémentaires devant l'ordinateur ou à lire des bouquins ou lire des documents PDF. Autre activité aussi qui a quand même pris du temps d'écoute, mais en anglais encore une fois. Depuis quelques années, j'ai abandonné la cigarette, mais bon, j'avais sauté sur des cigarettes électroniques. Ça me coûtait une fortune, plus je crois que de fumer. Et je m'en suis acheté une, là. J'en achetais des jetables au dépanneur. Et puis, bon, j'ai découvert cet univers-là un petit peu plus technologique, un petit peu plus de meilleure qualité, qui revient en effet cette fois beaucoup moins cher. C'est une belle passion. Moi, je suis pas un gros fumeur. C'est juste qu'une fois de temps en temps, j'aime ça faire des boucanes pareil quand j'ai une petite pause, là. C'est beau prendre une petite bière, mais je sais pas, il manque un petit quelque chose. C'est plus buccal comme activité. Si vous parlez à des fumeurs pour savoir de pourquoi qu'ils fument, ben je sais pas, il y a comme un plaisir qui est associé à ça. Et je sais pas, de faire des boucanes, faire des ronds, faire toutes sortes de choses comme ça. Donc j'ai découvert l'univers des cigarettes électroniques et je me suis aussi trouvé des podcasts qui parlaient de cigarettes électroniques. Mon coup de cœur actuellement dans le domaine VP Live Vaping Podcast. Donc, je suis en train d'explorer justement les podcasts là-dessus. Je me suis acheté une petite Imo de KangerTech. Je suis en train de découvrir un peu toutes les saveurs, tous les plaisirs qu'il y a là-dessus. Ça coûte quand même assez cher de s'équiper, mais bon, c'est un beau petit passe-temps qui est beaucoup moins nuisible que la cigarette traditionnelle. Et comme c'est tout un univers à découvrir, ben il y a quand même des choses que je veux apprendre sur ce domaine-là. Alors c'est ça. Côté écoute, j'ai été assez limité. J'ai écouté beaucoup d'anglais. Quand on écoute des podcasts, c'est en grande partie pour se faire plaisir à soi-même. Donc ne m'en voulez pas si j'ai pas tellement de rétrospective à faire comme telle sur des nouveaux podcasts. Je suis en restructuration, je suis en train de tout me réorganiser. J'ai aussi besoin, là, je pense, de faire une bonne liste de ce dont je vous ai parlé afin de vous faire découvrir des nouvelles choses. Je t'ai me poser la question, je pense que je vais peut-être faire une petite capsule dans ma capsule, simplement afin de vous mentionner ce qui m'a marqué dans mes écoutes. Dans ma définition à moi, les podcasts, on n'est pas obligé d'écouter ça en direct. On peut les écouter en différé la plupart du temps. Donc, parfois, si je peux vous faire connaître une émission, tout simplement en vous faisant un lien vers quelque chose qui m'a touché, ben, ça fait déjà un petit rappel pour le podcast dont j'ai déjà parlé. Et sinon, ben, vous le faire découvrir tout simplement. En fait, où je vais en venir avec ma capsule aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience que les podcasts sont bien sûr un divertissement très agréable, mais peut aussi être un outil de connaissance et d'approfondissement pour une panoplie de sujets. En dernier lieu, j'étais supposé prendre contact avec Adrien Mangold de Prototype S. Malheureusement, vous l'avez compris, j'ai manqué de temps, j'ai manqué de timing. Faut noter qu'il est en Europe, donc si on veut faire une petite rencontre par Skype, parce que là, il m'avait demandé quel genre de questions j'allais lui poser, je l'ai bombardé d'exemples de questions. Je pense que je l'ai un petit peu assommé. Donc, il ne savait plus quelles questions répondre, donc on va probablement se faire une petite rencontre par Skype. Mais comme il est en Europe, ben je vais devoir moi enregistrer le matin et lui probablement en fin de journée. Donc comme je travaille le jour, il va falloir qu'on se rencontre une fin de semaine. Alors pour cette période de restructuration printanière, je vous souhaite tout de même de bonnes écoutes. Si vous faites des découvertes, je vous en supplie, faites-m'en part. Vous savez, je suis pas très actif en surface, mais tout de même avec Parlons Balado, avec Épicure, avec les Éditions de l'Avenir, avec La Breluche Dorée, École et Bessille de l'Inaudible avec Walter Proof. Je suis tout de même très actif en sous-marin et toutes vos propositions de bons podcasts, de bonnes écoutes, d'émissions spécifiques, je suis preneur quand je suis capable de faire passer certaines informations, je les transmets aux bons canaux de communication. Sur ce, bon été, bonne écoute et je vais travailler pour avoir un peu plus de matériel à la prochaine capsule nouveauté. À vous, les studios! Merci, Jean-Seb. Suite de Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Dans l'épisode précédent, Rouletabille visite la scène du crime. Et maintenant, la suite. Chapitre 7, où Rouletabille part en expédition sous le lit. Rouletabille, ayant poussé la porte de la chambre jaune, s'arrêta sur le seuil, disant avec une émotion que je ne devais comprendre que plus tard « Oh, le parfum de la dame en noir !» La chambre était obscure. Le père Jacques voulut ouvrir les volets, mais Rouletabille l'arrêta. « Est-ce que... » dit-il. « Le drame s'est passé en pleine obscurité ?»« Non, jeune homme, je ne pense point. Mademoiselle tenait beaucoup à avoir une veilleuse sur sa table. » Et c'est moi qui la lui allumais tous les soirs, avant qu'elle aille se coucher. J'étais quasi sa femme de chambre, quoi, quand venait le soir. La vraie femme de chambre ne venait guère que le matin. Mademoiselle travaille si tard, la nuit. Où était cette table qui supportait la veilleuse? Loin du lit? Loin du lit. Pouvez-vous, maintenant, allumer la veilleuse? La veilleuse est brisée, et l'huile s'en est répandue quand la table est tombée. Du reste, tout est resté dans le même état. Je n'ai qu'à ouvrir les volets et vous allez voir. Attendez! Rouletabille, rentrant dans le laboratoire, alla fermer les volets des deux fenêtres et la porte du vestibule. Quand nous fûmes dans la nuit noire, il alluma une allumette bougie, la donna au père Jacques, dit à celui-ci de se diriger avec son allumette vers le milieu de la chambre jaune, à l'endroit où brûlait cette nuit-là la veilleuse. Le père Jacques, qui était en chaussons, il laissa à l'ordinaire ses sabots dans le vestibule, entra dans la chambre jaune avec son bout d'allumette, et nous distinguâmes vaguement, mal éclairés par la petite flamme mourante, des objets renversés sur le carreau, un lit dans le coin, et, en face de nous à gauche, le reflet d'une glace pendue au mur près du lit. Ce fut rapide. Rouletabille dit « C'est assez. Vous pouvez ouvrir les volets. »« Surtout, n'avancez pas !» pria le père Jacques. « Vous pourriez faire des marques avec vos souliers. Mais il ne faut rien déranger. C'est une idée du juge. Une idée comme ça, bien que son affaire soit déjà faite. » et il poussa les volets. Le jour livide du dehors entra, éclairant un désordre sinistre entre des murs de safran. Le plancher, car si le vestibule et le laboratoire étaient carrelés, la chambre jaune était planchéiée, était recouvert d'une natte jaune d'un seul morceau qui tenait presque toute la pièce, allant sous le lit et sous la table toilette, seuls meubles qui, avec le lit, fussent encore sur leurs pieds. La table ronde du milieu, la table de nuit et deux chaises étaient renversées. Elle n'empêchait point de voir, sur la natte, une large tache de sang qui provenait, nous dit le père Jacques, de la blessure au front de Mademoiselle Stangerson. En outre, des gouttelettes de sang étaient répandues un peu partout et suivaient, en quelque sorte, la trace très visible des pas, des larges pas noirs de l'assassin. Tout faisait présumer que ces gouttes de sang venaient de la blessure de l'homme qui avait, un moment, imprimé sa main rouge sur le mur. Il y avait d'autres traces de cette main sur le mur, mais beaucoup moins distinctes. C'est bien là la trace d'une rude main d'homme ensanglantée. Je ne pus m'empêcher de m'écrier « Voyez, voyez ce sang sur le mur ! L'homme qui a appliqué si fermement sa main ici était alors dans l'obscurité et croyait certainement tenir une porte. Il croyait la pousser. C'est pourquoi il a fortement appuyé, laissant sur le papier jaune un dessin terriblement accusateur, car je ne sache point qu'il y ait beaucoup de mains au monde de cette sorte-là. Elle est grande et forte, et les doigts sont presque aussi longs les uns que les autres. Quant au pouce, il manque. Nous n'avons que la marque de la paume. Et si nous suivons la trace de cette main, continuai-je, nous la voyons qui, après s'être appuyée au mur, la tâte, cherche la porte, la trouve, cherche la serrure. Sans doute, interrompit Rouletabille en ricanant. Mais il n'y a pas de sang à la serrure ni au verrou. Qu'est-ce que cela prouve? Répliquai-je avec un bon sens dont j'étais fier. Il aura ouvert serrure et verrou de la main gauche, ce qui est tout naturel puisque la main droite est blessée. « Il n'a rien ouvert du tout !» s'exclama encore le père Jacques. « Nous ne sommes pas fous, peut-être. Et nous étions quatre quand nous avons fait sauter la porte. » Je repris. « Quelle drôle de main ! Regardez-moi cette drôle de main !»« C'est une main fort naturelle !» répliqua Rouletabille. « Dont le dessin a été déformé par le glissement sur le mur. L'homme a essuyé sa main blessée sur le mur. Cet homme doit mesurer 1,80 m. »« À quoi voyez-vous cela ?» À la hauteur de la main sur le mur. Mon ami s'occupa ensuite de la trace de la balle dans le mur. Cette trace était un trou rond. La balle, dit Rouletabille, est arrivée de face, ni d'en haut, par conséquent, ni d'en bas. Et il nous fit observer encore qu'elle était de quelques centimètres plus bas sur le mur que le stigmate laissé par la main. Rouletabille, retournant à la porte, avait le nez maintenant sur la serrure et le verrou. Il constata qu'on avait bien fait sauter la porte du dehors, serrure et verrou étant encore sous cette porte défoncée, l'une fermée, l'autre poussée, et sur le mur, les deux gâches étant quasi arrachées, pendantes, retenues encore par une vis. Le jeune rédacteur de l'époque les considéra avec attention, reprit la porte, la regarda des deux côtés, s'assura qu'il n'y avait aucune possibilité de fermeture ou d'ouverture du verrou de l'extérieur, et s'assura qu'on avait retrouvé la clé dans la serrure à l'intérieur. Il s'assura encore qu'une fois la clé dans la serrure à l'intérieur, on ne pouvait ouvrir cette serrure de l'intérieur avec une autre clé. Enfin, ayant constaté qu'il n'y avait à cette porte aucune fermeture automatique, bref, qu'elle était la plus naturelle de toutes les portes, munie d'une serrure et d'un verrou très solides qui étaient restés fermés, il laissa tomber ces mots. « Ça va mieux. » Puis, s'asseyant par terre, il se déchaussa hâtivement. Et, sur ses chaussettes, il s'avança dans la chambre. La première chose qu'il fit fut de se pencher sur les meubles renversés et de les examiner avec un soin extrême. Nous le regardions en silence. Le père Jacques lui disait, de plus en plus ironique, « Oh, mon petit, pour vous donner bien du mal !» Mais Rouletabille redressa la tête. « Vous avez dit la pure vérité, père Jacques. Votre maîtresse n'avait pas, ce soir-là, ses cheveux en bandeau. C'est moi qui étais une vieille bête de croire cela. » Et, souple comme un serpent, il se glissa sous le lit. Et le père Jacques reprit « Et dire, monsieur, et dire que l'assassin était caché là-dessous. Il y était quand je suis entré à 10 heures pour fermer les volets et allumer la veilleuse, puisque ni M. Stangerson, ni Mlle Mathilde, ni moi n'avons plus quitté le laboratoire jusqu'au moment du crime. » On entendait la voix de Rouletabille sous le lit. « À quelle heure, Monsieur Jacques, Monsieur et Mademoiselle Stangerson sont-ils arrivés dans le laboratoire pour ne plus le quitter ?»« À 6 heures. » La voix de Rouletabille continuait. « Oui, il est venu là-dessous, c'est certain. Du reste, il n'y a que là qu'il pouvait se cacher. Quand vous êtes entrés, tous les quatre, vous avez regardé sous le lit ?»« Tout de suite. Nous avons même entièrement bousculé le lit avant de le remettre à sa place. » « Et entre les matelas ?»« Il n'y avait, à ce lit, qu'un matelas sur lequel on a posé Mlle Mathilde. Et les concierges et M. Stangerson ont transporté ce matelas immédiatement dans le laboratoire. Sous le matelas, il n'y avait que le sommier métallique qui ne saurait dissimuler rien, ni personne. Enfin, monsieur, songez que nous étions quatre. » Et que rien ne pouvait nous échapper, la chambre étant si petite, dégarnie de meubles, et tout étant fermé derrière nous, dans le pavillon. José, une hypothèse. Il est peut-être sorti avec le matelas. Dans le matelas, peut-être. Tout est possible devant un pareil mystère. Dans leur trouble, M. Stangerson et les concierges ne se seront pas aperçus qu'ils transportaient double poids. Et puis, si les concierges et complices... Je vous donne cette hypothèse pour ce qu'elle vaut, mais voilà qui expliquerait bien des choses. Et particulièrement, le fait que le laboratoire et le vestibule sont restés vierges des traces de pas qui se trouvent dans la chambre. Quand on a transporté Mademoiselle du laboratoire au château, le matelas, arrêté un instant près de la fenêtre, aurait pu permettre à l'homme de se sauver. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Me lançant Rouletabille, en riant délibérément sous le lit. J'étais un peu vexé. Vraiment, on ne sait plus. Tout paraît possible. Le père Jacques fit. C'est une idée qu'a eue le juge d'instruction, monsieur. Il a fait examiner sérieusement le matelas. Il a été obligé de rire de son idée, monsieur, comme votre ami rit en ce moment. Car ce n'était bien sûr pas un matelas à double fond. Et puis quoi? S'il y avait eu un homme dans le matelas, on l'aurait vu. Je dus rire moi-même et, en effet, j'eus la preuve depuis que j'avais dit quelque chose d'absurde. Mais où commençait, où finissait l'absurde dans une affaire pareille? Mon ami, seul, était capable de le dire. Et encore... « Dites donc !» s'écria le reporter, toujours sous le lit. « Elle a été bien remuée, cette carpette-là. »« Par nous, monsieur. » expliqua le père Jacques. « Quand nous n'avons pas trouvé d'assassin, nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas un trou dans le plancher. »« Il n'y en a pas ?» répondit Rouletabille. « Avez-vous une cave ?»« Non, il n'y a pas de cave. Mais cela n'a pas arrêté nos recherches. Et ça n'a pas empêché M. le juge d'instruction, et surtout son greffier, d'étudier le plancher planche à planche, comme s'il y avait une cave dessous. » Le reporter alors réapparut. Ses yeux brillaient, ses narines palpitaient. On eût dit un jeune animal au retour d'un heureux affût. Il resta à quatre pattes. En vérité, je ne pouvais mieux le comparer dans ma pensée qu'à une admirable bête de chasse sur la piste de quelque surprenant gibier. Et il flaira les pas de l'homme qu'il s'était juré de rapporter à son maître, monsieur le directeur de l'époque, car il ne faut pas oublier que notre Joseph Rouletabille était journaliste. Ainsi, à quatre pattes, il s'enfuit aux quatre coins de la pièce, reniflant tout, faisant le tour de tout ce que nous voyions, ce qui était peu de chose, et de tout ce que nous ne voyions pas et qui était, paraît-il, immense. La table toilette était une simple tablette sur quatre pieds. Impossible de la transformer en une cachette passagère. Pas une armoire. Mademoiselle Stangerson avait sa garde-robe au château. Le nez, les mains de Rouletabille montaient le long des murs, qui qui était partout de briques épaisses. Quand il eut fini avec les murs et passé ses doigts agiles sur toute la surface du papier jaune, atteignant ainsi le plafond auquel il put toucher, en montant sur une chaise qu'il avait placée sur la table toilette, et en faisant glisser autour de la pièce cet ingénieux escabeau, quand il eut fini avec le plafond, où il examina soigneusement la trace de l'autre balle, il s'approcha de la fenêtre, et ce fut encore le tour des barreaux et celui des volets, tous bien solides et intacts. Enfin, il poussa un ouf de satisfaction et déclara que, maintenant, il était tranquille. « Eh bien, croyez-vous qu'elle était enfermée, la pauvre chère mademoiselle, quand on l'assassinait? Quand il nous appelait à son secours ?» gémit le père Jacques. « Oui. » fit le jeune reporter en s'essuyant le front. « La chambre jaune était, ma foi, fermée comme un coffre-fort. »« De fait, observai-je, voilà bien pourquoi ce mystère est le plus surprenant que je connaisse, même dans le domaine de l'imagination. Dans le double assassinat de la rue Morgue, Edgar Poe n'a rien inventé de semblable. Le lieu du crime était assez fermé pour ne pas laisser échapper un homme, mais il y avait encore cette fenêtre par laquelle pouvait se glisser l'auteur des assassinats qui était un singe. Mais ici, il ne serait être question d'aucune ouverture d'aucune sorte. La porte close et les volets fermés comme ils l'étaient, et la fenêtre fermée comme elle l'était, une mouche ne pouvait entrer ni sortir. « En vérité, » acquiesça Rouletabille, qui s'épongeait toujours le front, semblant suer moins de son récent effort corporel que de l'agitation de ses pensées. « En vérité, c'est un très grand et très beau et très curieux mystère. »« La paix du bon Dieu !» bougonna le père Jacques. « La paix du bon Dieu elle-même, si elle avait commis le crime, n'aurait pas pu s'échapper. Écoutez, l'entendez-vous ? Silence !» Le père Jacques nous faisait signe de nous taire et, le bras tendu vers le mur, vers la prochaine forêt, écoutait quelque chose que nous n'entendions point. « Elle est partie, » finit-il par dire. « Il faudrait que je la tue. Elle est trop sinistre, cette bête-là. Mais c'est la bête du bon Dieu. Elle va prier toutes les nuits sur la tombe de Sainte-Geneviève. Une personne n'ose y toucher de peur que la mère à genoux jette un mauvais sort. »« Comment est-elle grosse, la bête du bon Dieu ?» Quasiment comme un gros chien basset. C'est un monstre que je vous dis. Ah, je me suis demandé plus d'une fois si ce n'était pas lui qui avait pris de ses griffes notre pauvre mademoiselle à la gorge. Mais la bête du bon Dieu ne porte pas des godillons, ne tire pas des coups de revolver, n'a pas une main pareille. S'exclama le père Jacques en nous montrant encore la main rouge sur le mur. Et puis... on l'aurait vu aussi bien qu'un homme, et elle aurait été enfermée dans la chambre et dans le pavillon aussi bien qu'un homme. « Évidemment, » fis-je. De loin, avant d'avoir vu la chambre jaune, je m'étais moi aussi demandé si le chat de la mère à genoux... « Vous aussi ?» s'écria Rouletabille. « Et vous ?» demandai-je. « Moi non, pas une minute. Depuis que j'ai lu l'article du matin, je sais qu'il ne s'agit pas d'une bête. Maintenant ?» Je jure qu'il s'est passé là une tragédie effroyable. Mais vous ne parlez pas du béret retrouvé, ni du mouchoir, père Jacques. Le magistrat les a pris, bien entendu, fit l'autre avec hésitation. Le reporter lui dit, très grave, je n'ai vu, moi, ni le mouchoir, ni le béret. Mais je peux cependant vous dire comment ils sont faits. Ah, et vous êtes bien malin. Et le père Jacques toussa, embarrassé. Le mouchoir est un gros mouchoir bleu à raies rouges. Et le béret est un vieux béret basque, comme celui-là. Ajouta Rouletabille en montrant la coiffure de l'homme. C'est pourtant vrai. Vous êtes sorcier. Et le père Jacques essaya de rire, mais n'y parvint pas. Comment vous savez que le mouchoir est bleu à raies rouges? Parce que s'il n'avait pas été bleu à raies rouges, on n'aurait pas trouvé de mouchoir du tout. Sans plus s'occuper du père Jacques, mon ami prit dans sa poche un morceau de papier blanc, ouvrit une paire de ciseaux, se pencha sur les traces de pas, appliqua son papier sur l'une des traces et commença à découper. Il eut ainsi une semelle de papier d'un contour très net et me la donna en me priant de ne pas la perdre. Il se retourna ensuite vers la fenêtre et, montrant au père Jacques, Frédéric Larsan qui n'avait pas quitté les bords de l'étang, Il s'inquiéta de savoir si le policier n'était point venu, lui aussi, travailler dans la chambre jaune. « Non, » répondit M. Robert Darzac, qui, depuis que Rouletabille lui avait passé le petit bout de papier roussi, n'avait pas prononcé un mot. « Il prétend qu'il n'a point besoin de voir la chambre jaune, que l'assassin est sorti de la chambre jaune d'une façon très naturelle et qu'il s'en expliquera ce soir. » En entendant M. Robert Darzac parler ainsi, Rouletabille, chose extraordinaire, pâlit. « Frédéric Larsan posséderait-il la vérité que je ne fais que pressentir ?» murmura-t-il. « Frédéric Larsan est très fort, très fort, et je l'admire. Mais aujourd'hui, il s'agit de faire mieux qu'une œuvre de policier, mieux que ce qu'enseigne l'expérience. Il s'agit d'être logique, mais logique, entendez-moi bien, comme le bon Dieu a été logique quand il a dit 2 plus 2 égale 4. Il s'agit de prendre la raison par le bon bout. » Et le reporter se précipita dehors, éperdu à cette idée que le grand, le fameux Fred, pouvait apporter avant lui la solution du problème de la chambre jaune. Je parvins à le rejoindre sur le seuil du pavillon. « Allons, lui dis-je, calmez-vous. Vous n'êtes donc pas content ?»« Oui. » m'avoua-t-il avec un grand soupir. « Je suis très content. J'ai découvert bien des choses. » « De l'ordre moral ou de l'ordre matériel ?»« Quelques-unes de l'ordre moral et une de l'ordre matériel. Tenez, ceci par exemple. » Et, rapidement, il sortit de la poche de son gilet une feuille de papier qu'il avait dû y serrer pendant son expédition sous le lit et dans le pli de laquelle il avait déposé un cheveu blond de femme. En complément de programme, les éditions de l'Avenir présentent « Les coupables » de Cécile Bramafa. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Mon petit Evan, un brave gamin, gentil et toujours très poli, pas comme tous ces garnements qui sont maintenant si mal éduqués et toujours prêts à rendre service. Oui. Un brave gamin. Elle m'énerve, cette chanson. Elle est nulle. Comme moi. Je suis trop nulle. J'ai encore fait dans mes draps cette nuit. À 8 ans. La honte. Alors je préfère me barrer. Aller n'importe où, plutôt que de devoir supporter ses regards sans parole. Elle ne me reproche rien. Le psychologue lui a bien expliqué que je manifeste ainsi un profond malaise. Depuis, elle ne me dit plus rien. Je préférerais des mots, n'importe lesquels, même des gros, des énormes. Ils ne seront jamais pires que les miens. Je la déçois. Je le vois bien dans ses yeux. Elle a honte. Honte de son crétin de fils qui pisse encore au lit. Je l'aime tellement. Ça fait mal de ne pas être à la hauteur. Le pire, c'est que j'essaye. Ça me met en colère de ne pas y arriver. Mais il n'y a rien à faire. Je suis trop nulle. C'est plus simple de sortir, même si c'est, comme moi, pas très courageux. Je me sens sale. J'ai honte de moi. Et maintenant que je suis dehors, je commence à avoir les pétoches. Peur ? Mais peur de qui ? Marie, c'est probablement le village le plus tranquille de France. Pas d'agression, pas d'incivilité. Depuis le temps que je suis maire, 23 années, ce n'est pas rien. Il n'y a jamais eu la moindre manifestation brutale. De qui as-tu si peur, mon petit ? Sûrement une histoire de môme. Tu aurais dû venir me voir, je t'aurais aidé, je t'aurais protégé, je suis le maire. Je me serais occupé, moi, de ce gamin. S'il te plaît, mon Dieu, fais que je ne le croise pas. En échange, je ferai tout ce que tu voudras. Tiens, j'aiderai tous les jours maman à faire la vaisselle. Je sais bien que je vaux pas grand-chose, mais pour une fois, écoute-moi et aide-moi. Regarde, je te fais même un signe de croix. Je te demande ça parce que là, j'ai vraiment trop la trouille. Mon bébé, je t'aime. Tu es tout le portrait de ton père. D'ici quelques années, tu feras certainement des ravages et un jour, tu viendras me présenter celle qui aura su faire chavirer ton cœur. Tiens, la voilà ta sucette, la coquine se cachait. J'ai vraiment de la chance de t'avoir. Depuis que tu es née, j'ai une nouvelle raison de tenir. C'est un peu comme si j'avais une deuxième chance, comme un nouveau départ, enfin. Pas autant que ce que je voudrais. Élodie, quelle belle femme elle est devenue, surtout depuis qu'elle est mère. Ses courbes généreuses lui sient à merveille. Ah, je l'ai connue toute petite, vous savez. Sa famille habitait juste à côté de chez moi. Je me souviens, lorsqu'elle me réclamait que nous fassions le bidet du haut de ses 3 ans, je la faisais sauter sur mes genoux et ses rires espiègles illuminaient tout le village. Comment te protéger, mon bébé? Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Comme à Étienne, ce frère qui me manque tant. Cette absence est tellement vive et douloureuse. C'est une blessure qui saigne toujours. C'est une balafre que je ne peux soigner et qui vitriole mon cœur. Depuis 1 an, j'éponge le regret qui en suinte continuellement. Depuis qu'il est parti, depuis qu'il s'est suicidé. Je n'ai pas su l'aider et je m'en veux tellement. Il n'avait que 15 ans, ce n'était encore qu'un enfant. Je dois trouver une solution. Partir du village? Décidément, ils ont tous peur. Pourquoi? Étienne s'est donné la mort. C'est bien triste, je te l'accorde. Mais pourquoi vouloir quitter Maris? En tant que mère, je suis bien placé pour affirmer que mon village est un havre de paix. Je fais tout ce que je peux pour tous vous protéger. Bien sûr, je ne peux pas empêcher une dépression chez un adolescent trop sensible. Mais même en allant vivre ailleurs, ça n'aurait rien changé à sa fragilité. Élodie, ce que tu penses n'a aucun sens. Étienne, je savais ce que tes silences cachaient. J'en connaissais l'infâme cause. Mais je n'ai rien pu faire. Par peur, par lâcheté. Et maintenant tu n'es plus là, je t'ai perdu pour toujours. Je ne referai pas la même erreur avec lui. La seule solution est de partir d'ici. Étienne, ah, je me souviens bien de lui. C'était un brave gamin, lui aussi. Il venait souvent à la maison, il m'aidait à bricoler. Toujours curieux, il me noyait sous un déluge de questions. Ah, je l'aimais bien. Il était tellement mignon. Ah, il est regrettable qu'il soit devenu un adolescent taciturne, renfermé sur lui-même. Personne n'aurait pu l'aider, assis dans la vie, même si c'est bien triste. Je ne suis qu'un vieux con. Un incapable. Pas foutu de dégoter la solution. Comment tuer quelqu'un? Ça devrait être à la portée du premier crétin venu. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Dans n'importe quel navet qui passe à la télé, ça assassine à tour de bras. Mais dans la vraie vie, c'est pas si facile. La preuve, moi, ça fait 10 ans que j'essaie. Sans succès. Rien ne marche jamais comme prévu. J'ai bien tenté le coup du sabotage de frein, mais ça n'a rien donné non plus. L'autre salaud s'en est aperçu avant même de sortir de chez lui. Les regrets, ça ne sert à rien. Je laisse ça au trouillard. Moi, je préfère agir. Alors, d'une manière ou d'une autre, je l'aurai. Je n'ai pas le choix. Je dois trouver un moyen de le réduire à l'état de casse-croûte pour verre. Alors? Comment est-il possible qu'une personne aussi gentille que toi puisse vouloir assassiner quelqu'un? Ils sont tous devenus fous. Alain, toi qui es mon meilleur ami, on se connaît depuis la maternelle. On a fait les 400 cours ensemble et je ne t'ai jamais vu te battre avec qui que ce soit et ni même t'énerver. Et maintenant, tu veux ôter une vie. Pourquoi ne t'es-tu jamais confié à moi? Je t'aurais aidé. Pas assassiner cette personne que tu es à ce point. Mais j'aurais usé de mon influence pour régler votre différend. Ensemble, eh ben, nous aurions trouvé une solution. Même le poison a raté. Il n'en a pas bu assez de ma décoction maison parfumée à la morora. Pourtant, préparée avec toute ma haine, il a juste eu une bonne diarrhée. La seule satisfaction dans cette histoire, c'est que j'avais craché dedans. Bon, il faut que je trouve mieux un moyen infaillible. Allez, creuse-toi les méninges. T'es peut-être qu'un petit charpentier de merde, mais tu vas trouver le moyen de le zigouiller. Tu le dois. J'ai peur. Je regarde bien de partout, même derrière moi. Personne pour le moment. Peut-être que le bon Dieu va m'aider cette fois. Le problème avec ces petites ruelles, c'est qu'il pourrait débarquer d'un seul coup, sans que je le voie venir. Je dois surveiller aussi le devant. Je ne me sens pas très bien. Pourrions-nous faire une pause, s'il vous plaît? Tiens, Élodie et son bébé. Élodie qui discute avec. Mes pieds ne veulent plus avancer. J'ai la tête qui tourne. J'ai du mal à respirer. Je tremble de partout. Je ne peux pas empêcher mon corps de montrer ma peur. Les images arrivent. Non, je ne veux pas de vous. D'habitude, j'arrive à les repousser grâce à mon cri du dedans. Enfin, presque tout le temps. La nuit, c'est plus compliqué. Elles attendent lâchement que je me sois endormie, malgré tous mes efforts pour rester réveillée. Et là, elles viennent me surprendre. C'est un combat que je livre tous les soirs. Et je le perds à chaque fois. Je suis trop nulle, c'est pour ça. Elles sont toujours là, comme des fantômes que je ne peux pas détruire. Chaque matin, je me réveille en pleurs. L'état de mes draps me montre qu'elles ont encore gagné. J'ai tellement honte d'être aussi nulle. Le psychologue a bien essayé de me faire parler. Mais je n'ai pas de mots pour ça. Et puis, qui me croira? La parole d'un gosse contre celle du maire, on me traitera forcément de menteur. Et si jamais on me croit, ce sera pire encore. J'aurai la honte. Je ne veux surtout pas que les autres sachent ce qu'il me fait. C'est sûrement de ma faute tout ça. J'ai dû faire quelque chose, même si je sais pas quoi. Je tremble trop. Je dois m'appuyer contre la façade, sinon je vais perdre l'équilibre. J'ai tellement la trouille que je n'arrive plus à lutter contre elle. Même mon cri du dedans ne marche pas. La pénombre de l'abri de jardin. Cette grosse main qui avance vers moi. J'ai envie de vomir. J'ai envie de mourir. Zip! Le bruit monstrueux de la fermeture éclaire. Sa respiration qui s'accélère. La sueur sur son front dégoûtant. Non! Partez! Laissez-moi tranquille! Il faut que je pense à autre chose. La jolie Élodie avec son petit Louis. Il est trop drôle, ce bébé, avec sa bouche sans dents. Mais Élodie parle avec lui. Cette même main qui s'approche du bébé. Oh non, mon Dieu, aidez-nous, par pitié! Vous n'allez pas le croire. C'est pas vrai. Mais ce n'était que d'innocentes preuves d'affection. Tu l'auras mal interprété. Son imagination débordante aura fait le reste. Et je vous l'affirme solennellement, je n'ai rien du tout à me reprocher. J'enfonce mes ongles dans ma main. Ça saigne un peu maintenant. Des fois, la douleur, ça aide à rester calme, à faire au moins semblant pour les autres. Je me force à respirer lentement et j'oblige mes pieds à bouger. C'est moi qui décide, pas elle. Je vais traverser la route, aller de l'autre côté, sur l'autre trottoir. Mes jambes tremblent tellement que ça risque de ne pas être facile, mais j'y arriverai. Je ne crains rien ici. Élodie est là et, au loin, j'aperçois Monsieur Daron. Il est sympa, Monsieur Daron. Il ne le laisserait pas me toucher. Je ne risque rien. Allez, Evan, tu vas y arriver. Regarde par terre, ce sera plus simple. Et surtout, tu ne le regardes pas, lui. Prouve que t'es pas qu'une poule mouillée. C'est un petit menteur. Ah, j'y suis, je comprends enfin. Tout cela n'est qu'à commenter. Vous êtes tous des menteurs, tout est faux et c'est un complot. Je suis certain que ce gosse m'aime et qu'il ne me manquera pas. Voilà, c'est vous qui inventez tout ça et ce gamin m'adore et je le sais. Il est à un mètre de nous. Quelle horreur. Je ne l'ai même pas entendu arriver. Je n'ai pas eu le temps de me préparer, de me fabriquer un masque d'indifférence. Je lui réponds le plus poliment possible, malgré la tempête de haine qui tourbillonne en moi, qui m'envahit et menace de me submerger. Je me force à respirer calmement. Il veut tenir mon bébé dans ses bras? Jamais. Vite, je trouve une excuse. Prétendre que Louis est malade. Pas terrible, ça risque de ne pas suffire. Il faut que je trouve autre chose. J'ai du mal à réfléchir. Toute cette colère est difficile à contenir. Heureusement, Alain arrive. Mais je ne veux que te réconforter. Je sais combien tu es malheureuse depuis la disparition d'Étienne. Même la naissance de ton fils n'a pas su te redonner le sourire. Je ne comprends pas toute cette haine. Qui détestes-tu à ce point? Ce ne peut pas être moi. Je sers de réceptacle à ton désespoir, c'est tout. Alain vient se placer entre la poussette et lui. Tant mieux. Je ne supporterai pas une seconde de plus de savoir l'assassin de mon frère si près de mon bébé. Étienne, je savais ce qu'il se passait dans l'abri de jardin. Je n'ai rien dit, rien fait. Comment dénoncer un personnage aussi important que Monsieur le maire? Personne ne m'aurait cru. J'ai pourtant tenté une fois d'en parler à ma mère. Elle m'a arrêté d'une violente gifle, ne me laissant même pas terminer ma phrase. Elle n'a pas voulu entendre. J'aurais dû le hurler à tout le village pour qu'au moins une personne accepte d'écouter, accepte de l'aider. Au lieu de cela, je me suis tue. J'ai gardé en moi cet indicible secret. Jean Marnal, respectable personnalité de Maris, était et est toujours intouchable. Pour protéger Louis, je dois maintenant mettre le plus de distance possible entre mon fils et lui. Je ne supporte plus de le croiser, drapé dans son impunité. Je pourrais même le tuer un jour, incapable de contrôler ma fureur. Qui veillera sur mon bébé si je vais en prison? Je ne dois pas céder à ma haine. Alors, même s'il faut sacrifier mon couple, je mettrai mon fils à l'abri. Je partirai d'ici, parce que je ne suis pas de taille à lutter. Dans son village, il est tout puissant. Personne ne peut rien contre lui. Assassin de ton frère? Mais c'est au contraire, je l'aimais. Je ne lui ai jamais fait de mal, je vous le jure. Il s'est suicidé. Elle le dit elle-même. Elle divague. Le chagrin du deuil lui a fait perdre la raison. Ne la croyez pas. Elle est tout aussi dépressive que l'était son sanglé de frère. Je n'en peux plus. Je serre les poings pour les empêcher de venir frapper cette ordure. Je toussote une excuse. Excusez-moi. Et traverse précipitamment la route pour nous éloigner du monstre, m'éloigner de ma haine. Je croise le petit Evan qui court presque sur le trottoir. Je surprends son regard, cette manière qu'il a de le scruter, de le surveiller, la même qu'avait Étienne, comme si leurs yeux pouvaient maintenir à distance leur bourreau. Pauvre gosse, lui aussi. Il faudra vraiment qu'un jour quelqu'un règle son compte à ce pervers. T'inquiète, il a dit, me v'là. Ces sauts d'un corps à l'autre sont très pénibles. Vous ne respectez même pas la chronologie, et tout ça n'est que mensonge. Heureusement, Alain va vous prouver que je suis quelqu'un de bien. C'est mon meilleur ami. Alors tu es là, fils de pute. Ça t'a pas suffi de violer son frère et de le pousser au suicide. Il faut en plus que tu la harcèles. Sauve-toi, Elodie. Je m'occupe de lui. Espèce d'ordure, j'aurai ta peau. Tu t'en sortiras pas comme ça. Je trouverai bien moyen de te tuer, de débarrasser notre village du monstre que tu es. Comme si elle avait lu dans mes pensées, Elodie s'éloigne. C'est bien, gamine. Du coin de l'œil, je vois le petit Evan qui court lui aussi se mettre à l'abri. Quoi? Cette personne que tu es tant, que tu cherches à assassiner, c'est moi? Pourquoi? Je n'ai rien fait. Ils sont tous fous. Un arbre. Tu ne peux pas croire à leurs élucubrations. J'ai bien envoyé des courriers au procureur pour dénoncer ce salaud de pédophile. Mais rien n'a bougé. On n'enquête pas aussi facilement sur Monsieur le maire. Surtout quand les accusations ne viennent que d'un modeste charpentier, un petit travailleur manuel. Si encore j'avais été médecin, on m'aurait sûrement écouté. Alors, j'ai pas eu le choix. J'ai décidé de faire justice moi-même. Pour Evan, pour Étienne, et puis pour tous les autres. Le visage inerte et blafard de mon petit-neveu, couché dans son minuscule cercueil. Oui, pour toi aussi, mon petit homme. Je te promets qu'il paiera pour ce qu'il t'a fait. Oh, je dois donner le change. Ne pas montrer ma haine. Il ne manquerait plus qu'il se méfie. Bonsoir, monsieur le maire. Beau temps, n'est-ce pas? Oui, alors, beau temps. Et ce sera bon pour les cultures. Je parle de la pluie et du beau temps, mais je ne peux m'empêcher d'imaginer ce que je pourrais te faire. Non, ce que je vais te faire. Ça suffit le triturage de méninges qui ne donne rien. Demain, je vais venir chez toi. Je te dégoterai comme le porc que tu es. Et je testerai sur toi tous les objets tranchants qui me tomberont sur la main. Je m'acharnerai particulièrement sur ta précieuse virilité. Je te le promets, ça durera des heures. Justice sera faite. Même si je dois aller en prison, oh oui, je le ferai. Je suis obligé de te serrer la main, même si ce contact me dégoûte, pour que tu ne te doutes de rien. Tu vois, moi aussi je sais faire semblant. C'est celui qui devrait être à ma place. Il a essayé de m'assassiner à plusieurs reprises. Il l'a avoué, hein? Il voulait me faire subir les pires horreurs. Si vous n'étiez pas venu m'arrêter, ce soir-là, je serais un homme... Je serais un homme mort, alors qu'il est. Demain, à la même heure, le problème de Maryse sera définitivement réglé. Evan, Elodie et les autres pourront enfin vivre en paix. En mémoire de Tom et Étienne. Ce simulacre de procès n'est qu'une absurde parodie de justice. À qui voulez-vous faire croire que cette machine peut effectivement nous faire partager les points de vue des personnes rencontrées ce jour-là? Evan, au lieu de pleurer comme une chiffonne dans les bras de ta mère, dis-leur que tout est faux, que tu as raconté des histoires pour faire ton intéressant. Elodie, pourquoi me dévisages-tu de la sorte? Tu veux vraiment faire payer un pauvre innocent pour la mort de ton frère? Quant à toi, Alain, emporter la photo encadrée de ton neveu ne fera jamais oublier à personne que tu as voulu m'assassiner. Quant à vous, vous autres, vous n'êtes que des ingrats quand je vous vois agglutinés sur ces bancs étriqués aux côtés de ces menteurs. Je me dis que j'aurais été bien bête de vous consacrer toute ma vie. Faites de moi ce que vous voudrez, mais j'ai ma conscience pour moi. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté Les coupables de Cécile Bramafa, avec Ezwa dans le rôle de Ivan, Silverson dans le rôle du maire, Cécile Bramafa dans le rôle d'Élodie et Christian Martin dans le rôle d'Alain. Le texte est diffusé sous licence art libre. Cet enregistrement est également diffusé sous licence art libre et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À bientôt. Et ainsi se termine cette 6e émission de la 3e série du podcast des éditions de l'Avenir. Vous pouvez trouver nos émissions sur la page qui leur est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap, en transition sur Podomatic, l'avenir.podomatic.com,